Salut, salut, salut, comme tous les dimanches sur Radioactive 100 FM à Toulon, radioactive.net partout ailleurs dans le monde. Votre rendez-vous rock, musiques expérimentales diverses et variées. C'est donc Lost in Space de 21h jusqu'à minuit et un peu après, ça dépend des jours. C'est, comme on dit, ouverture selon l'humeur, fermeture selon l'état. On va attaquer directement avec une petite chronique. Et on reviendra par la suite pour savoir ce qu'on va écouter. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les titres que l'on passe dans l'émission sur le site de la radio, radio-active.net et la page correspondante Lost in Space. Je vous souhaite une très bonne soirée en ma compagnie, en espérant que ça se passe le mieux possible. Allez, c'est parti pour la chronique. New York, mai 2001. Quelques mois avant le World Trade Center, j'étais en vacances chez un vieux pote d'enfance fraîchement émigré à New York. J'ai passé mes journées à marcher dans les rues la tête en l'air, profitant de l'énergie brute de cette ville et en prenant plein les mirettes pour me faire des souvenirs pour l'éternité. Un après-midi où je me promenais dans un quartier assez pourrave de Manhattan, je tombe nez à nez avec une toute petite devanture rose, perdue entre un immeuble à moitié déglingué et un autre éventré qui avait laissé place à un marchand de fleurs où celle-ci était entreposée à même le sol en plein air. En regardant de plus près, les bras m'en tombent, c'était le CBGB, temple éternel du rock'n'roll new-yorkais de la fin des 70s. Symbole d'une époque où le rock'n'roll puis le punk étaient alors à leur firmament, ce club a marqué les imaginaires de millions de groupes et je crois bien que l'on peut en rajouter un à la liste, les Dirty Fences. En provenance du quartier voisin de Brooklyn, il ressuscite l'ambiance de l'époque en convoquant les Dead Boys et les Ramones pour un résultat jubilatoire. Que ce soit sur les morceaux énervés ou les plus calmes comme Rain, où l'on croirait entendre Richard L., tout rappelle ici la scène New York, sans nostalgie et sans conformisme ampoulé, trop respectueux des traditions. Ces gars-là sont à fond, font la musique qu'ils aiment et que j'aime comme ça tout le monde est content. Et on voit bien qu'ils ont bien digéré leur influence et ne sont pas des copycats, car une pointe de garage psyché se fait jour au fur et à mesure de l'avancée de l'album, avec même des touches plus mainstream des années 70. Au final, ça donne un disque presque intemporel, au compo qui tombe juste toute seule et qui te file une patate du tonnerre. Chaudement recommandé par la maison donc. Too late, too late, too late, too late. Depuis que les New-Yorkais de Sonic Youth ont mis la clé sous la porte, la place de leader du mouvement Noise Rock Intello reste à prendre. Parmi les postulants, les natifs de Chicago semblent plutôt bien placés avec leur cinquième album sorti en 2014, Irreal. L'affiliation avec Sonic Youth n'a rien d'innocent d'ailleurs quand on sait que Steve Shelley, batteur des susnommés Jeunesse Sonore, a aussi fait partie du grand turnover au poste de batteur des Disappears. On reste donc dans un modèle assez éloigné des conceptions traditionnelles du rock'n'roll. Pas ou peu de mélodies, la structure couplet-refrain balayée d'un revers de main, un rythme binaire mid-tempo entonné jusqu'à plus soif. Vous l'aurez sans doute compris, nous ne sommes pas en présence de rejetons des Ramones avec leurs morceaux de 2 minutes maxi. Ici on prend son temps et on n'a pas peur de faire durer les pistes jusqu'au seuil des 7 minutes, rédhibitoire pour une diffusion sur les autres radios FM que la nôtre. Comme souvent dans l'histoire de la musique, tout est un éternel recommencement. Là où les Suédois de Goat relançaient le psychédélisme, Disappears fait sienne les méthodes des Allemands de Faust ou Kahn. Un peu comme si Stereolab revenait d'outre-tombe pour remettre à la mode le rock choucroute allemand. Ce n'est donc en aucun cas un disque pour taper du pied ou sauter sur la piste de danse, mais il ne faut pas pour autant le mettre de côté si vite. Comme une bonne infusion, il faut lui laisser le temps de disperser ses arômes. Même si aucun titre ne semble prendre le dessus, à chaque nouvelle écoute, je deviens de plus en plus conquis, ce qui m'amène finalement à mettre une bonne note à ce disque et à vous le passer tout de suite. Survived by fat.

crimes that I call the mistakes. Nothing denies like a heart in doubt. This I know, people flow like streams where I bathe. Then drift along to a fallen place. The past like a servant that bends for our sake. Into the lines we tell it to trace. Like how we are wired. We decide, like how we are taught, like how we are not, like how we hide ourselves in vain. Laughter in sunshine, laughter in pain, keeps pace of heart and an honest life. But after the fondness for life is erased, what race is on in my soul besides? Rabbit mutts that fight and fucking howl till they fade. They too run on when the moon is lit. Faster than love turns itself into rage. Faster than I attempt to forget. Like how we desire. Like how we give up, like how we make love, like how we taste when we're spit away. Are you so afraid? What will people say? figure bien connue du post-punk de San Francisco, Erase Errata, avait quelque peu levé le pied. Imaginez un peu, 9 ans que le dernier album était sorti. Et après un week-end de retrouvailles entre potes dans un bled paumé du Midwest, la magie opère à nouveau pour donner naissance, quelques mois plus tard, à ce Lost Weekend au nom chargé de sens, pour eux tout du moins. Longtemps associé à la scène noise rock de la côte ouest et à tort à la scène no wave new-yorkaise, Erase Errata propose un album de bonne facture avec tous les bons ingrédients du genre. Ligne claire pour la batterie, basse en avant et guitare incisive. Pas d'originalité folle, mais qui est capable de le faire en 2015 ou 2016, mais des morceaux efficaces et courts, ce qui par ces temps de revival psyché est une véritable qualité. Le petit plus, l'ambiance presque Riot Girl avec féminisme et sexualité revendiquée et une bonne patate pour des quadras. Arrivé la même année, mais est-ce réellement un signe que les revenants de Sleater-Kinney, il gagnera à passer et repasser sur votre platine pour en apprécier la juste valeur et la spontanéité en attendant de les voir éventuellement en France. Man who lives by the gun now.

Je m'appelle France Putain, je m'appelle... l'instant du nucléaire. Tu sentiras tout ce que je vais te faire et tu goûteras pleinement la souffrance. Que la douleur. Seule une épreuve atroce nous révèle notre vrai visage. Ça doit être ça la mondialisation. Pas seulement des babioles en plastique qui nous viennent de Chine pour une bouchée de pain, ou des capitaux qui bougent 1000 fois en l'espace d'une seconde, sautant de paradis fiscaux en autres paradis fiscaux. La mondialisation du rock, disais-je, ce serait un groupe portant le nom d'un parrain de la drogue colombien qui jouerait une version moderne d'un garage rock comme le ferait John Spencer, tout en venant d'un coin perdu de la France dite profonde ou de la province, comme le disent si bien les Parisiens. Escobar correspond parfaitement à ce nouvel idéal. Je défie quiconque, lors d'une écoute en blind test, de déterminer d'où viennent ces jeunes gens. Formule basique mais ô combien efficace du duo batterie plus guitare chant, 12 morceaux courts et catchy, chantés en anglais, représentant une conception classique de l'essence même du rock'n'roll réduit à son minimum vital, chants scandés et riffs de guitare. La production est précise et acérée, sans fioritures inutiles, dans la même veine que le premier album de Annie El Khatib il n'y a pas si longtemps. Maintenant, posez le disque sur la platine ou lancez le bandcamp en indiquant à vos amis « Ceci est le premier album d'un petit groupe français de Limoges qui a comme projet de faire le printemps de Bourges, Dixit le populaire, fameux quotidien du Limousin, et regardez naître un sourire vaguement moqueur sur leur mine réjouie. » Puis, juste avant qu'ils ne vous prennent pour un blaireau, montez le son à fond. C'est ce que vous entendrez en écoutant Escobar. I'm not afraid to die. Vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM, Lost in Space. À l'instant, on a écouté Publicist UK avec Slow Dancing to This Bitter Earth. Alors, Publicist UK, c'est un groupe rigolo parce que ce ne sont que des métalleux qui ont confessé, grâce à ce disque, leur amour pour la Cold Wave et le Bad Cave du début des années 80. Et d'ailleurs, ça s'entend, on a l'impression de voir un morceau des Sisters of Mercy, donc pas du tout métal pour l'occasion. Mais j'en reparlerai, je vous en ferai écouter d'autres morceaux un peu plus tard. C'est l'heure donc maintenant de notre chronique habituelle sur l'histoire des Slits. Vous savez, ce magnifique groupe féministe et féminin de la fin des années 70, début des années 80. Et on va reprendre là où on en était la dernière fois, avec extrait du livre sorti chez Retruite Édition, entrecoupé de morceaux de musique. Tessa, il y a une photo où Palmolive me regarde l'air de dire « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Je jouais la ligne de base d'un autre morceau que celui qu'elle jouait et personne ne s'en est aperçu. Cela n'avait pas d'importance, leur vitalité, leur style et leur énergie spontanée comptent plus que tout à leur début. Et comme les Sex Pistols l'avaient fait avant elle, les Slits encouragent des personnes de même sensibilité à monter un groupe. Thank you. Gina Birch, la fondatrice des Raincoats, plus tard citée pour avoir été l'un des groupes préférés de Kurt Cobain, est également à ce concert. Elle a déjà assisté à plein de concerts punk. Ils lui ont tous fait une forte impression et ouvert la voie pour une vie dans la musique, mais concernant les Slits, c'est encore plus stimulant. Quand je les ai vus jouer, j'ai pensé que je voulais vraiment faire partie du truc, dit-elle. J'avais vu les Sex Pistols, les Clash, Buzzcocks, Subway Sect, Vic Goddard tenait une feuille avec les paroles, et je n'avais encore jamais vu aucun groupe avec le chanteur monté sur scène avec son texte. On pourrait croire que ça ne représentait pas grand-chose, mais pour moi c'était énorme. Cela montrait que les choses ne sont pas parfaites, qu'on peut le faire sans connaître les paroles par cœur, ou si l'on vient juste d'écrire une chanson. Il y avait un sentiment d'urgence et c'était excitant, mais c'est seulement quand j'ai vu jouer les Slits que j'ai pensé « il se passe quelque chose ». Et cela aurait pu être moi. Ça m'a vraiment motivé. Elles se sont appropriées la scène, cela importait peu qu'elles ne sachent pas jouer, comme tous ces journalistes se plaisaient à le faire remarquer. En fait, c'était des conneries parce qu'elles jouaient à leur propre manière. Palmolive jouait de la batterie comme personne. Choose my own. Cela m'a d'autant plus impressionné que j'ai pu voir les femmes et les filles du public ressentir soudainement cette libération incroyable et réaliser que nous étions capables de ce que jusqu'alors nous n'avions pas eu les tripes de faire. Gina avait déménagé de Nottingham pour étudier aux Beaux-Arts d'Annecy à West London et elle se fit un point d'honneur à programmer des slits à un concert de l'école. Vous êtes toujours sur Radioactive, le 100 FM sur Toulon, votre émission Lost in Space. On vient d'entendre notre récurrent, notre marronnier sur les Slits, avec ici une très très bonne version de Police and Thieves que vous connaissez forcément, vu que l'original est de Junior Marvin, qu'il passe assez souvent d'ailleurs sur la playlist de notre charmante et belle radio. Vous devez connaître aussi peut-être encore mieux la version qu'ont faite les Clash, et celle-ci est beaucoup moins connue en fait, hein, tout simplement, celle des Slits, mais elle apporte une tournure un peu particulière, et on voit bien dans leur interprétation toute l'originalité qu'elle dégageait. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes donc toujours sur le 100 FM, Lost in Space, c'est l'heure du live. On a eu les Slits, on va rester quasiment dans la même époque avec un concert d'un ou peut-être même mon groupe favori de tous les temps, c'est Joy Division. Concert enregistré le 18 décembre 1979 à Paris, au Bain Douche. Première fois où Joy Division et Ian Curtis sortaient d'Angleterre pour aller faire un concert sur le continent. Vous allez voir, si vous êtes fan de Joy Division et que vous ne connaissez pas ce concert, vous allez tomber sur votre derrière. Sinon, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, moi, je l'apprécie déjà. Back home, please. watch the exhibition. This is the way. Step inside. this is the way set aside.